vastes événements nous mènent jusqu'à Thalas et caverne de chimères. Nous parlâmes d'aliénés et fûmes aliénés. Nous plaignîmes et fûmes méprisés. Ma constance traça leur impureté et elle, énergumènes plantèrent leurs dents. Mes éloges perdirent leurs moelles et nous pérégrinâmes vers Saint-Augustin au fracas d'une voiture pressée. Les fermes cédaient à ton côté comme une bobine de film photographie d'un voyage tronqué, logé dans des motels de carton. L'eau masquait notre affection derrière les aubes d'un hiver primitif. Nos devoirs nous séparèrent, nous laissèrent. Tandis tes yeux tristement gris s'éteignait, l'une paraît superbe parmi ces nuages. Séparés, nous transcrivîmes notre rencontre sur l'écorce de cette sacrée.